Faire la fête, chaque fois que je chante, j'ai ta voix. voix dans ma tête. J'ai beau mettre les gants, je prends que des défaites. Chaque fois que je chante, j'ai ta voix dans ma tête. Oh bébé tu me hantes, je peux plus faire la fête. Chaque fois que je chante, j'ai ta voix dans ma tête. J'ai beau mettre les gants, je prends que des défaites. Chaque fois que je chante, j'ai ta voix dans ma tête. J'ai ta voix dans ma tête. L'Irlandais, il s'appelle Thioma et nous le suivons sur France Bleu Gascogne. Sa nouvelle chanson hante. France Bleu Gascogne, le top 3 bon plan. Sortie musique, c'est aussi dans le 16-18. Le top 3 des sorties avec l'Office de tourisme de Grenade sur l'Adour. Bonjour Pauline. Bonjour. Bonjour, le soleil brille sur Grenade. Très agréable. Encore. Oui. Ça va changer a priori, ça va se gâter ces jours prochains. Pauline, en attendant, il y a encore des idées de sortie très bonnes et je vous en demande trois, donc un top 3 des meilleures choses à faire dans le secteur de Grenade, Pauline. Oui. Alors, en premier, du coup, on a, à l'occasion de la Coupe du Monde du rugby, on a mis en place plusieurs animations. Du coup, en premier, on a mis en place un escape game qui s'appelle Panique dans les vestiaires. Donc, pour cet escape game, il faut aider le président de la FFR à retrouver la Coupe du Monde de rugby qui a été dérobée par des petits malins. Et du coup, il faut la retrouver avant le début du match d'ouverture de la Coupe. D'accord. Et donc, on a 60 minutes pour retrouver la Coupe qui a été dérobée. Et du coup, avant que quelqu'un s'en aperçoive. Et qu'est-ce qu'on gagne ? Alors, on gagne le fait de l'avoir retrouvé. Oui. On met en place, pour ceux qui font le meilleur temps, il y a une petite récompense à la fin. Ok, voilà. super ça. C'est à quel moment exactement, Pauline ? Alors ça, à partir de la semaine prochaine, c'est tous les après-midi. On a une séance à 14h et une séance à 15h30. Et on peut y aller à plusieurs ou c'est limité ? Oui, tout à fait. Non, on peut y aller à plusieurs. Alors, c'est une équipe de 6 maximum. Okay. Et donc, on peut y aller à tout âge. Et si on vient seul, vous trouvez les autres membres pour faire une équipe ? Oui, c'est tout à fait possible. C'est parfait. Voilà. Ça coûte quelque chose de s'inscrire ou rien ? Oui, alors c'est 7€ pour les adultes à partir de 16 ans et c'est 3€ pour les enfants. Ce sont les vacances, profitez-en, c'est plutôt original comme idée. Même si la France n'est plus dans la Coupe du Monde de rugby. Bon, Pauline, ça c'est le top 1. En top 2 ? En top 2, toujours dans le rugby, du coup, on a l'association des Amis de Notre-Dame du rugby qui fait visiter la chapelle qui est dédiée à Notre-Dame du rugby. Donc c'est une chapelle qui se trouve à la rivière Saint-Savin, sur le territoire du coup du pays grenadois. C'est une chapelle qui est dédiée au monde de Bali et qui a été inaugurée en 1967. Ouais. Voilà. Pour prochaine visite qui est le mardi prochain à 15h. Voilà, on a plein de coupures de téléphone, de liaison. C'est pas de votre faute, mais ça rend notre conversation délicate. Oserais-je aller au top 3 ? Oui, alors, le top 3, du coup, là, on sort du rugby, on est sur le monde des champignons, cette fois-ci. Ah, tiens, oui. Donc, c'est une visite, donc c'est une promenade accompagnée sur le monde mystérieux des champignons. Et ça, c'est jeudi 26 octobre à 14h30, et c'est totalement gratuit. Donc, la personne qui vous accompagne vous parlera donc de la vie des champignons, de comment les reconnaître, la morphologie, reconnaître les comestibles et les non-comestibles, voilà. C'est précieux, ça. Oui, c'est gratuit. Ah, c'est doublement précieux. Parfait. Voir avec l'Office de tourisme de Grenade sur l'Adour pour tout renseignement complémentaire. Merci pour ce top 3, Pauline. Merci à vous. Bonne journée. Dans un instant, c'est à Dax que nous irons parce que vous allez découvrir une entreprise, un monsieur qui a créé son entreprise grâce à des drones. Il se propose de nettoyer vos toitures, vos panneaux solaires. C'est incroyable. On en parle dans une minute. Mettons un coup de projecteur sur les pros avec Cerise de Groupama. Mais Jacques, vous ne pouvez pas continuer à travailler avec des béquilles, voyons. Si je m'arrête, Cerise, je n'ai plus de revenus. Et si je ferme, ici, il n'y aura plus de commerce. Avec les solutions de prévoyance Groupama Pro, nous pouvons assurer jusqu'à 100% de votre revenu en cas d'arrêt de travail. Ah, mais c'est très bien, ça. Les très petites entreprises font de très grandes choses. Et chez Groupama, nous sommes là pour les soutenir. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur groupamapro.fr. Savez-vous qu'il est possible de désigner le Secours Populaire Français comme bénéficiaire de votre assurance vie ? Oui, et j'ai souscrit une assurance vie en faveur du Secours Populaire. Je leur fais confiance pour agir concrètement pour un monde plus juste et plus solidaire auprès des personnes qui en ont le plus besoin, près de chez moi, en France et dans le monde. Demandez notre documentation gratuite au 01 44 78 79 26 ou rendez-vous sur secourspopulaire.fr. Secours Populaire, on peut donner du bonheur, on peut aussi le transmettre. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Gascogne, ici, on parle d'ici. Pourquoi ne pas faire appel à la technologie pour nettoyer notre toiture ou nos panneaux solaires? En voilà une idée qu'elle est bonne. Adax, Drone Plus Service, fondé par Gilles Bourdillas, a introduit une nouvelle ère de nettoyage en utilisant un drone pour atteindre et nettoyer des endroits parfois inaccessibles. L'utilisation des drones offre de nombreux avantages. Tout d'abord, plus besoin de s'aventurer sur les toits glissants. De plus, l'utilisation de drones permet de gagner un temps précieux parce qu'ils sont en mesure de couvrir de vastes surfaces en un temps record. Carl Da Silva, parce que c'est passionnant, vous êtes avec Gilles Bourdillas. Gilles Bourdillas, bonjour. Bonjour. Alors, après avoir été brasseur, vous vous lancez dans une nouvelle activité de nettoyage de bâtiments par le biais d'un drone. Expliquez-nous ce qui vous a poussé dans ce domaine. Mais c'est vrai que moi, bon, voilà, avec mon frère, on faisait de la bière. Lui, il est parti à la retraite, donc on a vendu. Et puis moi, j'ai toujours été passionné des drones. Et puis un jour, j'ai eu une idée. Pourquoi pas faire du nettoyage de toiture ou des nettoyages de bâtiments avec le drone. Cherchant sur Internet, je me suis aperçu que ça existait. Et donc, je me suis lancé là-dedans et je me suis inscrit directement pour passer mon permis de pilote de drone professionnel. Et puis, j'ai eu le temps d'étudier le métier, les outils qu'il me fallait, quel drone il fallait acheter, puis voilà. Qui fait appel à vous du coup? Ce sont les entreprises, les particuliers? Donc moi je travaille pour tout le monde, que ce soit les particuliers, les collectivités, les mairies. Donc j'ai déjà fait l'église de Saint-Étienne-d'Ort, j'ai fait l'église d'Angoumé, et là il y a pas longtemps j'ai fait la collégiale de Pembo, monument classé historique, que je commence à faire quelques particuliers pour les toitures. C'est une activité qui est assez unique dans les Landes, on peut le dire. Ah oui, moi j'ai créé la société en début juin. Après, il a fallu sécuriser avec la DGAC, là c'est la police de l'air entre guillemets. Donc j'ai dû faire un protocole avec la base d'hélicoptères de Dax. Ils ont dû me donner une autorisation pour pouvoir voler dans les Landes. Parce que maintenant il y a de plus en plus de contrôles. C'est vrai que beaucoup de gens ne sont pas au courant. Ils reçoivent un drone à Noël, ils le font voler, mais ils peuvent risquer gros. Mais par rapport à ça, il faut qu'on pose une demande de vol à chaque chantier. Et à chaque vol, je dois aussi les appeler un quart d'heure avant de décoller et une fois que j'ai atterri. Gilles, pour terminer, c'est quoi le tarif si on souhaite faire appel à votre service? Après, voilà, le tarif dépend des travaux. Ça peut être voilà entre les façades, les toitures, c'est pas du tout les mêmes prix. Au mètre carré, voilà, ça va de 6 € à 7,50 €. Vous êtes sur le secteur de Dax, mais vous pouvez intervenir dans toutes les Landes, hein, c'est ça? Voilà. Moi, je peux aller, voilà, que ça soit bon, toutes les Landes, je peux Pays Basque. Et puis après, vraiment, si gros chantier, je peux partir à la conquête de la France. Drone plus service. Et nous étions avec Gilles Bourdillas, qui est donc situé à Dax. Merci beaucoup, Gilles. Ben, merci beaucoup. Au revoir. Mais pourquoi n'y a-t-on pas pensé plus tôt, très sincèrement? Nous tenons les coordonnées de Gilles Bourdillas à votre disposition. Standard France Bleu Gascogne. Et une page Facebook aussi, Drone plus Service. Appelez-nous 05 58 46 50 50. Voici Adèle. I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. She gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone. sometimes it hurts and stays. Surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. La jolie voix d'Adèle sur France Bleu Gascogne, Someone Like You. Mon top 3 des rencontres sport à ne pas manquer. Je vais prendre deux incontournables. En top 1, l'Euroleague, évidemment, pour Basketland. Ce soir, match à domicile, espace François Mitterrand, contre les Polonaises de Polkowice. Après deux premières défaites à l'extérieur, Basketland doit gagner ce soir, espace François Mitterrand. C'est à vivre, ce match, et c'est pour ça que je l'ai placé en top 1 sur France Bleu Gascogne. Prise d'antenne, nous dirons, aussitôt après le journal de 19h. Demain, Pro D2, 8e journée, 19h30, Mont-de-Marsan, Valence-Roman, mon top 2 à vivre sur France Bleu Gascogne aussi. Tout comme, mais bon, je ne l'ai pas inclus dans les top 3 puisque j'ai fait le choix de match à domicile, tout comme le déplacement de Dax à Agen. Vous pourrez aussi le vivre ce match sur France Bleu Gascogne. Ça nous fait une belle soirée sport demain avec un duplex de rencontres. Mon top 3 ne sera pas sur France Bleu Gascogne en direct. C'est dimanche en Fédéral 3 de rugby dans la poule 12. Côte-Lande, Cambo. Côte-Lande est 4e, Cambo 6e. C'est la 5e journée de championnat de Fédéral 3 et le match est à 15h15. Voilà pour mon top 3 du jour. Notez qu'en basket, c'est une info et je vais la partager avec vous doublement. En basket, le chanteur, l'offreur, auteur, cinéaste, Félicien Taris, le fameux Félicien Damou, fait son retour sur les parquets. Il a choisi Ajetmo Momaï Castaignos en 3e division régionale. Les raisons de ce retour, il nous les explique dans un instant. Notez que ce soir, 18h, juste après le journal, hein, le MAC de la Coupe du Monde de rugby, avant le fameux Basketland Oran Euroleague. Avant, ce sera 100% basket avec Didier Guaite et aussi le comité des Landes de basket en la personne de Florian Lafargue. Un bon top 3 musique. Et puis j'accueillerai Félicien. Nous allons écouter le nouveau single d'Eddie de Preto.

musique du 16-18. Take a photo, eternalize this moment for the days when I don't believe. When our love gets stolen, 'cause there's no exception, and I know time will take you far from me. Let this night invade my lungs, you're all I wanna breathe. Right beside the lake, I burn for you, you burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight. Hold me the way that you would for the final time. Darkest moments, oh, I promise they'll be safe with me. We've all been broken, there's no exception. What you carry so gracefully, let this night invade my lungs. You're all I want to breathe. Right beside the lake, I burn for you, you burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight. Hold me the way that you would for the final time. Yeah. Whatever may come, somewhere deep inside, there's always this version of you and I. So just kiss me the way that you would if we died. You're all that I want to breathe. Right beside you down at the lake, I burn for you, burn for me. So kiss me the way that you are. Il demande des bisous. Kiss me, Dermot Kennedy. Lui est irlandais, Dermot Kennedy. Félicien, lui, est landais. Pas irlandais, landais tout court. Et quel landais, le Félicien que tout le monde connaît. Il a participé au Loft saison 2. C'est lui, la Koum Koum Mania, numéro 1, indéventant son temps. À Maulois, Félicien Taris, il est de retour sur les parquets landais. Voilà pourquoi je vous parle de Félicien. Certes, son actualité est très riche. Un livre sur la Coupe du Monde de rugby dont il est l'auteur, chez Ramsay. Un parc Acrobranche qu'il vient de créé à Amou, mais son retour sur les parquets à Ajetmo, Momeuil, Castaignos en l'occurrence, c'est l'événement. Le club évolue en Régional 3. Félicien souhaite apporter beaucoup. Il vient nous en parler sur France Bleu Gascogne. Bonjour Félicien Taris. Bonjour Laurent. Quel âge vous avez Félicien aujourd'hui? On est obligé de le dire. J'ai un gros souci avec ça, c'est pour ça que je ne veux pas m'arrêter de jouer, parce que ici dans les Landes, il y a une forte mentalité qui dit que quand on a passé 35 ans, on ne peut plus jouer à haut niveau ou on ne peut plus jouer au basket. Moi, j'ai toujours dit, ici, c'est place aux jeunes, mais bon, quand on a encore l'envie et la hargne et le talent et l'envie de jouer sur un parquet et encore les capacités physiques, il n'y a pas d'âge, mais je suis, on dira, comme diraient les autres, un vétéran, mais dans ma tête j'ai encore 30 ans. Ambition, faire monter l'équipe et briller en Coupe des Landes. Ah, c'est surtout ça, oui. Alors, là, c'est bien parti, puisque vous avez l'exclu que je viens de l'annoncer que j'ai signé là. Donc, j'ai fait quand même quelques matchs un peu incognito. Bon, ça passe plus incognito puisque, on fait des cartons, on est invécu. Et, c'est vrai que la Coupe des Landes, là, il y a le tirage bientôt. Il y a quelque chose à faire, avec l'expérience. Moi, j'ai la hargne pour ça. J'ai envie de jouer. Donc, il y a les gros cylindres qui rentrent. Il y a encore des petits clubs. Mais je pense qu'on a quelque chose à faire. Alors, je dis pas qu'on va la gagner, mais en tous les cas, je me suis arrêté en 2002 à Comarès en finale où, à l'époque, on m'a privé d'aller jouer cette finale contre Montségur et je pense que on l'aurait gagné si j'avais été là, même j'en suis sûr. Voilà, hommage à Montségur. Mais cette année, oui, j'espère aller le plus loin possible, mais sachant qu'on se fait pas d'illusions, il y a quand même des grosses cylindrées, mais voilà. À revenir sur le parquet, ce côté un peu chambreur avec le public, ça me manque. Et revenir en Chalosse, terre natale. Ma deuxième ville, coup de cœur, puisque ma grand-mère était de là-bas et j'ai toujours grandi là-bas, donc c'est assez cool. Ouais. Et puis le nom de Félicien pour attirer le public, parce que ça fait partie de la donne aussi, ça. Oui. Alors ça, on le voit déjà. On allait jouer à Pau, Félicien de voilà, Koum-Koum, le Loft. Et c'est vrai que ça chambre un peu. Mais c'est assez amical. C'est ça qui est assez fou. C'est assez cool. 20 ans après, il y a les anciens qui ont le petit souvenir, les jeunes qui regardent vite sur Internet savoir qui c'est. Donc c'est assez cool. Ouais. Et en Chalosse, évidemment. Ça va faire parler et j'espère que ça va attirer un peu de public pour le club, pour l'équipe qui mérite. Et même moi, aujourd'hui, il y a plus le sourire et moins. Alors, il y a la compétition aussi, mais à l'époque, j'étais un peu l'homme à abattre sur un terrain parce que j'avais un caractère. Là, aujourd'hui, je l'ai toujours, ouais, mais je le fais plus avec le sourire parce que je suis là pour prendre du plaisir quand même. Félicien, de retour sur les parquets, c'est une heureuse nouvelle pour le basket landais. Merci Félicien. Merci à vous, au revoir Laurent. À Ajetmo, Momain, Castaños. Et en saison régulière, depuis donc le début du championnat, 4 matchs, 4 victoires. Ce dimanche à 15h, Ajetmo, Momain et Castaños reçoit l'élan Tursan Basket. Dimanche, 15h, si vous voulez voir Félicien à l'œuvre. C'est là qu'il faut aller. Elle habite ici, de Palmas, sur France Bleu Gascogne. Je connais une fille hors norme, super belle et toujours en forme. Une de celles que l'on voudrait pour la vie à ses côtés. Je la croise tous les matins. Qu'elle rentre plus tôt, je fais. moi. Elle habite ici, Gérald De Palmas. Profitons de ces chansons de De Palmas qu'on peut encore écouter parce qu'il l'a déclaré. Il ne chantera plus. Il y a un problème vocal bien triste. Enfin bon, elle habite ici. C'était plutôt sympa cet après-midi sur France Bleu Gascogne. Dans la prochaine heure, un auteur-compositeur-interprète landais, il s'appelle Enzel. Enzel sera en concert le 4 novembre prochain au Casino de Cap-Breton pour vous le faire découvrir, vous le faire écouter. Je le reçois après 17h. Et puis à 17h30, le top 3 jeux pour gagner des passes 2 jours pour le festival Ocean Brass à Mimizan, dont je vous parlerai demain soir plus précisément puisque je recevrai ses organisateurs. 2 places de cinéma pour l'Étoile du Moon à Saint-Pierre-du-Mont et puis des places pour le concert de David Olaizola le 22 octobre, c'est un dimanche, à La Bouère. 16h, 18h, France Bleu Gascogne. Donc vous restez bien sûr sur France Bleu Gascogne. Nous venons de vivre 1 heure ensemble. Je suis impatient de passer avec vous la seconde. Voici Étienne Dao et Vanessa Paradis. C'était un duo improbable au départ. Et pourtant, tirer la nuit sur les étoiles. Oui, la nuit entière aux portes du désert, à la frontière de nos interdits. Interdits. Surfer sur une mer légère quand la nuit éclaire nos folies ordinaires. La nuit nous appartient. Wow. Première étreinte au matin pâle. Lis ton destin au mien. Wow. Serait-ce l'odeur du soir qui tombe, l'humeur vagabonde en une seconde. Je t'ai dit oui, je t'ai dit oui. Pour danser au bord de ton abîme, il fallait dériver mon improbable cime. Tu m'as dit oui, tu m'as dit oui. Tire la nuit sur les étoiles. Tirer la nuit sur les étoiles, ma foi, pourquoi pas une activité comme une autre. Il est peu probable que l'un ou l'autre fasse mouche. Hein. Étienne Dao, Vanessa Paradis en l'occurrence. Dans quelques instants, même pas une minute, 17h, elle flash. Bienvenue chez Écoutez Voir. Et là, vous entendez mieux? Comme quoi, le plus gros effort pour bien entendre, c'est encore de pousser la porte. Et oui, chez Écoutez Voir, le bilan auditif est gratuit. Et les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. France Bleu, connectés à notre région. Ici, c'est France Bleu Gascogne. Vous écoutez France Bleu Gascogne. Bon après-midi, il est 17h. Le flash Loubourdie. Vous les avez peut-être vus dans la rue ces derniers jours. Des militaires sentinelles sont arrivés en renfort dans les Landes. Du renfort parce que toute la France est en état d'alerte urgence attentat. Depuis l'attaque, vous le savez, du collège d'Arras vendredi dernier. Ils sont arrivés hier dans notre département. 25 militaires en soutien aux policiers et gendarmes landais. Ils patrouillent entre Dax et Mont-de-Marsan et surveillent particulièrement les abords de nos établissements scolaires. Une alerte urgence attentat donc en ce moment en France. L'état d'alerte maximale et la tension est bien visible. Une dizaine d'aéroports évacués aujourd'hui pour des alertes à la bombe, dont Biarritz, Pau et Toulouse. Le château de Versailles a également été évacué. C'est la troisième fois depuis samedi. En Israël, après les attaques du Hamas, le bilan français grimpe. On compte désormais 24 Français tués, 7 toujours portés disparus, annonce cet après-midi d'Elisabeth Borne. Le Moyen-Orient, où la colère monte après l'explosion hier soir d'un hôpital à Gaza. Près de 500 morts désormais selon les autorités de l'enclave palestinienne. Cette dernière compte près de 3500 personnes tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël. Le Hamas et Israël qui s'accusent mutuellement d'avoir fait exploser l'hôpital. L'effroi et la colère des manifestants dans le monde arabo-musulman. 5000 personnes manifestent aujourd'hui près de l'ambassade d'Israël à Amman, mais aussi des milliers d'Égyptiens dans les rues en soutien aux Palestiniens. Dans les Landes, Lou, vous faites peut-être partie des habitués de la ligne TER Bordeaux-Mont-de-Marsan. Oui, mais saviez-vous que la ligne n'est pas totalement électrique et qu'une partie des voies entre Morsinx et Mont-de-Marsan, c'est en fait un moteur diesel qui se met en route pour faire avancer le train. Pas très écolo, tout ça, vous me direz. Eh bien, justement, pour changer ça, une nouveauté, un TER à batterie. C'est tout nouveau, ils sont présentés aujourd'hui pour la première fois, et 5 vont être lancés en France, dans 5 régions différentes, dont un donc dans la nôtre. Mais alors, quand est-ce qu'on va pouvoir monter dans ce train? La réponse de Renaud Lagrave, élu en charge des transports en Nouvelle-Aquitaine. Normalement, en 2025, on aura des trains à batterie sur la ligne de Mont-de-Marsan. Comme vous le savez, entre Bordeaux et Mont-de-Marsan, vous avez une partie de la ligne qui est électrifiée jusqu'à Morsinx, et puis ensuite, on est non électrifié. On a aujourd'hui des choix stratégiques pour sortir du diesel le maximum. Donc, on a aujourd'hui une stratégie qui concerne effectivement les endroits où on peut mettre de l'électrique couplé avec de la batterie. C'est le cas sur la ligne de Mont-de-Marsan. Et c'est pour ça que ce sera la première en Nouvelle-Aquitaine qu'on équipera. Ah ben, on sait que ça existe, ça tourne déjà depuis des années dans d'autres pays européens. Après, derrière, est-ce qu'il y aura une fiabilité absolue? Moi, je sais pas vous répondre. Quand on l'aura véritablement ici, là, pour démarrer des allers-retours, bon, il y aura peut-être des périodes où ça va être un peu, voilà, on va se poser des questions, mais tout ça va évoluer avec la technologie et puis avec la recherche et le développement qui va nous permettre demain d'avoir beaucoup plus d'autonomie et d'avoir encore plus de fiabilité. Ouais, remplacer le moteur diesel d'un TER par des batteries électriques, ça coûte 5 millions d'euros quand même par train, nous explique Renaud Lagrave. En rugby, après la claque du mondial et les larmes de dimanche soir, on espère retrouver un peu de sourire avec la 8e journée de Pro D2 en match avancé ce soir. Rouen, dernier, reçoit Brive, 6e. Et puis demain, Dax se déplace à Agen et les Montois reçoivent Valence Roman. La météo 100% locale avec Alain Vera Carrelage, votre spécialiste en carrelage et salle de bain à Saint-Martin-de-Seignanx. C'est beaucoup mieux la météo, Laurent. Oui, pas ça désagréable. Ouais. Cette journée, sans aucun doute, entre passages nuageux et très jolies éclaircies. Les températures relevées cet après-midi, il y a une heure par Météo France, 22 degrés à Mont-de-Marsan, 21 à Biscarrosse, 24 degrés à Dax. En soirée, éclaircies et passages nuageux toujours. Des passages nuageux inoffensifs, pas de pluie, 14 à 17 degrés. Demain, ma foi, alors si nous avons de la pluie, ce seront de toutes petites pluies éparses qui vont se produire en deuxième partie de nuit. Enfin, ces nuages-là vont disparaître le matin pour du soleil qui va dominer toute la journée de demain. C'est demain soir que ça va de nouveau se gâter, avec là des nuages qui vont arriver de plus en plus nombreux, nous lâcher quelques pluies, et de très forts cumuls de pluie sont prévus sur le nord du littoral, sur Mont-de-Marsan aussi pour le lendemain. Mais bon, là, je ne vous parle que de ce qui nous attend dans la nuit de jeudi à vendredi. 23 à 24 degrés pour la maximale demain après-midi. Et Lou, à tout à l'heure à 18h. À tout à l'heure, Laurent. Pour le journal complet. Vous êtes sur France Bleu Gascogne, vous faites bien. Dans un instant, je vais recevoir l'auteur, compositeur, interprète landais, Enzel, le rappeur Enzel. Il est en concert le 4 novembre prochain au Casino de Cap-Breton. L'actu des spectacles et des concerts, c'est tous les soirs sur France Bleu Gascogne. Je reçois donc Enzel, juste après Firewalk. Voici Katy Perry sur France Bleu Gascogne. Le 16-18 de France Bleu Gascogne, Laurent Hervé. Plastic bag drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens, but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine just on the night, like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you work. Make 'em go as you shoot across the sky. Katy Perry sur France Bleu Gascogne. Enzel, le rappeur, l'auteur, compositeur, interprète, Enzel, sera le 4 novembre prochain en concert au Casino de Cap-Breton. J'allais pas attendre le 4 novembre pour m'entretenir avec lui. Le voici. 16h, 18h, France Bleu Gascogne. Bonjour Enzel. Bonjour Laurent. Enzel, on a fait connaissance l'année dernière. Vous êtes venu dans les studios de France Bleu Gascogne pour un live aquitain. Vous avez un bon souvenir de cette expérience ? Oui, c'était super. Oui, on avait pu jouer quelques morceaux acoustiques et après avec l'interview. Oui, non, c'était super. J'en garde un super souvenir. On a découvert ainsi que vous étiez un touche-à-tout. J'ai presque envie de vous qualifier d'artiste avec un grand A, Enzel. Ah bah ouais, c'est gentil. Carrément, c'est ce que j'essaye sans trop le vouloir, parce que je touche aux choses que j'aime. Donc c'est le rap et la chanson, donc c'est ce mélange, voilà, de rap et de chanson à texte, de ce qui donne rap à texte. Donc ça me plaît de toucher à tout, je me ferme à rien, parce que j'aime la musique avec un grand M, donc j'aime l'explorer dans tous ces recoins. Ça, c'est aujourd'hui, parce que vous avez essayé de jouer les comédiens. Vous avez réussi d'ailleurs, puisque vous avez tourné dans un certain nombre de choses, dont Lupin avec Omar Sy. Oui, exactement. Oui, j'ai pu avoir une petite apparition, on va dire, un petit rôle dedans. Oui, non, complètement. J'ai aussi ce métier à côté, comédien, qui me passionne tout autant que la musique. Donc je jongle entre les deux, quoi. J'ai la chance de pouvoir faire les deux. De temps en temps, il y en a un qui prend le dessus sur l'autre, mais après l'autre revient. Donc l'un nourrit l'autre, donc c'est super. Mon métier de comédien me nourrit pour moi, être plus à l'aise dans mes clips, le rythme de la musique, du rap, pour les textes aussi, quand je joue, parce qu'il y a une sorte de rythme quand on joue. Enfin voilà, donc c'est super, quoi. Les deux se complètent. En tout cas, vous avez quitté Paris pour revenir au pays. C'est difficile, la vie à Paris. Non, ça allait. En fait, j'avais besoin d'un petit break pour le coup, me consacrer entièrement à ma musique dans un environnement un peu plus calme. Et c'est cool. Là, j'y suis resté à peu près 2 ans et j'ai vraiment bien pu développer ma musique. Donc, j'en suis vraiment très content. Mais Breaking News, je suis parti revivre à la capitale là depuis quelques mois. C'est tout récent parce qu'en fait, elle me manquait. Ici, sa vie à 1000 à l'heure. J'avais besoin de retrouver quelque chose. Qui me stimule un peu plus. Donc, je suis reparti vivre sur la capitale parce que Paris me manquait, mais j'ai adoré faire ce break de 2 ans dans le sud-ouest pour notamment créer et enregistrer cette EP Banco. Comment est-il ce nouvel opus 8 titres ? Il est beaucoup plus, par rapport au premier que j'avais sorti en octobre 2021 qui s'appelait Grand Bazar, il est beaucoup plus rentre-dedans, il est beaucoup plus hargneux, mais dans le bon sens. Banco, c'est un peu le défi que je me suis donné, parce que l'hiver dernier j'ai eu 30 ans et j'ai fait un gros point sur ma vie. J'étais dans une période pas facile, en train de faire un autre métier qui me plaisait pas trop, pour pouvoir financer cette EP. Et je me suis dit, banco, je mets tout, c'est ce que je veux faire de ma vie, donc je mets tout de mon côté pour y arriver, que ce soit dans l'énergie, financier, etc., voilà, pour aller au bout de mes rêves. Et c'est aussi pour parler plus largement aux gens, c'est que bon, la vie est courte et c'est dommage de faire des choses qu'on n'aime pas, de côtoyer des gens qui nous ressemblent pas. Et c'est peut-être des phrases bateau et un peu démago, mais il faut le marteler, quoi. Il faut vraiment faire ce qu'on aime. Et banco, quoi. Il faut dire banco à la vie et aller vers où on veut aller et où notre cœur nous guide. Ce qui interpelle, Enzel, c'est l'harmonie entre la musique et le texte. Oui, j'essaye. Déjà, le point d'orgue, j'essaye surtout, c'est les textes, quoi. Comme c'est quelque chose que j'aime beaucoup, l'écriture et les tournures de phrases, tout ça. J'essaye vraiment de mettre un point d'orgue sur le texte. Et après, oui, l'harmonie, d'essayer de collaborer avec des compositeurs qui ont quelque chose un peu cinématographique aussi dans leur composition. Et ce qui m'a beaucoup plu avec Brevis G, le compositeur avec qui j'ai collaboré sur tout cette EP. Et voilà, j'aime ce mélange des deux, et pour donner quelque chose, une sorte de mix entre chanson, rap, et avec un petit côté cinématographique où je raconte des histoires, où j'essaie de me mettre en scène des choses. Donc j'essaie d'y accorder de l'importance. Si on veut vous écouter, si on veut vous découvrir, si on veut se procurer, Enzel, votre nouvel opus, donc cet opus 8 titres qui s'appelle Banco, je renvoie sur enzel.com. Votre nom s'écrit avec 2 E, hein, donc c'est Enzel.com. Enzel.com. Nous, ce qu'on va faire sur France Bleu Gascogne, Enzel, c'est écouter justement le titre, le premier extrait de cet opus, Banco. Vous m'en dites un mot quand même? Oui, bien sûr. En fait, c'était un peu le point de départ, voilà, de cette EP où j'ai dit banco, j'y vais. Je mets toutes mes forces dans la musique. Donc, je voulais quelque chose, un morceau assez entraînant, qui donne envie de danser, mais en même temps d'aller casser toutes les portes qui se mettent devant nous. Donc voilà, un mélange d'espoir et en même temps de bonne humeur quand même. Banco, voici, écoutez, mesdames, messieurs, et allez voir Enzel, il sera en concert à la salle Fart, c'est au Casino de Cap-Breton, le samedi 4 novembre prochain. Enzel, merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Banco, Enzel. J'ai pas pour habitude de dénigrer les miens, dans cette époque où c'est tellement dur d'estimer les siens. Où sont les vrais, les saints, ceux qui valent le coup, l'impression qu'ils sont aussi rares que la suie valait rien. J'ai pas pour habitude de dénigrer les miens, dans cette époque où c'est tellement dur d'estimer les siens. Où sont les vrais, les saints, ceux qui valent le coup, l'impression qu'ils sont aussi rares que la suie valait rien. J'tourne en rond mais t'inquiète pas, j'suis carré. 30 ans passés, ça te fait prendre du recul. Fini d'être gentil, j'viens casser des rotules. Pour le combat, ouais ça y est, j'suis paré. Dans la nuit noire, je maîtrise mes pas de danse. T'es tombé, c'est pas de chance. Faut bien suivre la cadence. Je dois combler mes carences, gommer mes latences. J'ai vu ces avances depuis, mon cœur est en transe. Quand je suis avec toi, le temps passe si vite. Et quand on se quitte, là le mal s'immisce. C'est pas moi, c'est le monde qui est grave cynique. Barman, resserre-moi un verre d'arsenic. On vit des temps sombres, remplis de tensions. C'est pourquoi jusqu'au petit matin, ma belle dansons. J'écris des chansons, sur papier canson. Et je te veux dans ma drôle de vie comme Véro Sanson. On vit des temps sombres, remplis de tensions. C'est pourquoi jusqu'au petit matin, ma belle dansons. J'écris des chansons, sur papier canson. Et je te veux dans ma drôle de vie comme Véro Sanson. Y'a pas de moralité à trouver dans ce bas monde. J'ai qu'une envie, c'est qu'on aille s'aimer sans modalité. Un amant qualité, deux, trois canidés. Être heureux tout simplement, ouais, c'est peut-être ça. Y'a trop de vanité, dans l'art ça fait paniquer. J'ai connu des vanupiers qui méritent d'être validés. Pas besoin de dire des vaniqués pour faire passer mes idées. T'as vu mon cœur décimé, pas su mes amitiés. Hey, et dans ma vie je veux faire de grandes choses. Écrire de grandes proses, me battre pour de grandes causes. Donc il est grand temps de creuser, j'ai pas le temps de causer. Avec des portes closes, pendant mes temps de pause. La vie c'est violent comme un Tarantino. Faut savoir profiter de chaque éclaircie. Fais tes affaires et on se bat rapido. Dans quelques années on se dira merci. Je poursuis le bonheur avec un point de côté. Et rien à faire si je suis pas à côté. Je passe la deuxième, fini de papoter. Chante et réveille le voisin d'à côté. Je poursuis le bonheur avec un point de côté. Et rien à faire si je suis pas à côté. Je passe la deuxième, fini de papoter. Chante et réveille le voisin d'à côté. Avec un point de côté. Chante et réveille le voisin d'à côté. Enzel. Super sympa, en plus d'être brillant. Enzel Banco. Je vous rappelle qu'il est en concert, Enzel, le 4 novembre, c'est un samedi, à Cap-Breton, au casino de Cap-Breton. Exactement, ne le manquez pas. Dans un instant, on va parler cadeaux, parce qu'à 17h30, on va jouer plein de choses à gagner contre un top 3. France Bleu Gascogne. Le top 3 bon plan. Sortie musique, c'est aussi dans le 16-18. C'est Marie-Cécile Gardeil. Je vous retrouve du lundi au vendredi sur France Bleu Gascogne pour Bienvenue chez vous. On se régale à 10h et la reine du quiz, on joue ensemble à 11h. À très vite. Le sport avec Orpi.com. Plus de 2000 offres immobilières dans les Landes. On l'attendait, il arrive. Derby de rugby, US Dax, Stade Montois. Vendredi 3 novembre, le choc de la Pro D2 au Stade Maurice Boyau à Dax. En rouge, en blanc, en jaune et en noir. 21h, vendredi 3 novembre, venez supporter votre équipe. Place à gagner sur France de Gascogne, radio partenaire des deux clubs. France Bleu. France Bleu Gascogne. Dans un moment, possibilité pour vous, si vous identifiez mon top 3 du soir, de gagner des cadeaux. Vous allez jouer pour le festival Ocean Brass, festival à Mimizan ce week-end, festival d'orchestre de brass band. Ils viennent du monde entier, les brass bands. Croyez-moi, c'est un sacré bel événement. Est-ce que vous allez pouvoir gagner? Ce sont des passes pour les deux jours du festival et pour deux, vous pourrez ainsi assister à tous les concerts gratuitement. Vous pourrez également gagner des places de cinéma pour l'Étoile du Monde. Il y a de très bons films à l'affiche en ce moment. Et puis des places pour le concert de David Olaizola. Il sera le dimanche 22 octobre, David Olaizola, en concert à La Bouheyre. À La Bouheyre, en l'église de La Bouheyre exactement. Place à gagner tout à l'heure après 17h30 et après ce dernier top 3 de cette fin d'après-midi sur France Bleu Gascogne. Du soleil à la brésilienne avec Gilberto Gil et sa chanson Toda Menina Baiana. Toda Menina Baiana. C'est excellent ça, excellent. Le retour de Kyo et la reprise de La Dernière Danse avec Cœur de Pirate. Et puis Mylène Farmer, sans logique, parce qu'il n'y en a pas toujours, sortie en 1989, cette chanson, le quatrième et dernier extrait de l'album Ainsi Sois-je. Alors pour vous remettre les grands succès de cette époque-là de Mylène Farmer en mémoire, après Sans Contrefaçon, Ainsi Sois-je, et pourvu qu'elle soit douce, il y a cette chanson de Mylène Farmer qu'on va écouter pour conclure notre top 3, sans logique et avant de jouer. Baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Que Deus dê.

Mylène Farmer, sans logique sur France Bleu Gascogne. Et c'est tout à fait logiquement, parce que c'est comme ça tous les soirs sur France Bleu Gascogne, qu'on va jouer dans un instant, juste après les prévisions de Météo France. Pourquoi préférer MAF Pro ? Toi qui es chef d'entreprise, t'as pas peur ? Peur de quoi ? Ben je sais pas, si toi ou un de tes salariés provoquait des dommages chez un client, ça peut te coûter très cher. T'inquiète, même les pros ont droit à l'erreur. Avec la garantie responsabilité civile de mon contrat MAF Pro, je suis couvert. Voilà pourquoi je préfère MAF Pro. Et du 2 au 31 octobre, profitez de 3 mois gratuits sur votre nouveau contrat multirisque pro. Conditions de l'offre sur MAF.fr. IKEA. Attends, attends, t'es prêt là ? Tada ! Waouh, sympa la déco, mais on est où ? Bah mon amour, on est chez nous. Ah ouais, t'as vraiment fait plein de bonnes affaires. Aménagez votre intérieur à petit prix avec nos bonnes affaires. Jusqu'au 9 novembre, avec la carte gratuite IKEA Family, la chaise d'extérieur Ascolmen est à 20 euros au lieu de 40. Conditions sur IKEA.fr. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Gascogne, ici, on parle d'ici. La météo 100% locale avec Alain Vera Carrelage à Saint-Martin-de-Seignance. Qu'il fasse soleil ou non, toujours à votre écoute pour vous aider dans vos projets. Les éclaircies se partagent le ciel ce soir, des passages nuageux de plus en plus nombreux en seconde partie de nuit. Pour quelques petites pluies éparses qui vont se produire. Des vents modérés, généralement, de sud-sud-est. Demain, au réveil, nous aurons 14 à 17 degrés. Et les nuages de la nuit vont disparaître rapidement. Pour du soleil qui va dominer tout au long de la journée. C'est la nuit de jeudi à vendredi que la pluie sérieusement arrive sur les Landes, avec la beaucoup d'eau sur le nord du littoral. À Mont-de-Marsan également, 25-30 mm annoncés. Mais bon, jeudi, dans la nuit, demain, nous profiterons d'un peu de soleil et aurons des maximales autour de 23-24 degrés dans les Landes. Bon, prêt à jouer, j'espère. Avec un très bon top 3 que vous parviendrez, comme vous parvenez quasiment chaque soir, à identifier. Une question de mobilité. Voici mon top 3. Comment les Français, et nous en faisons partie puisque nous sommes Français, nous, Landais, comment les Français se déplacent-ils au quotidien ? Quels sont donc les moyens de transport préférés au quotidien des Français ? Le top 3 des moyens de déplacement, de transport préférés au quotidien des Français. Voilà ce que vous devez identifier. Enfin, vous devez m'entendre. Trouvez un des trois pour gagner. Deux jours d'Ocean Brass Festival, c'est ce week-end à Mimizan. C'est pour la première fois que ce festival est organisé à Mimizan, par la ville en l'occurrence. Un festival de brass band avec des brass bands qui vont venir de tous les coins du monde. Classique, jazz, afro-cubain, une première édition sur deux jours et ces passes vous donnent accès à tous les concerts pendant deux jours. Le Brass Ocean Festival, événement avec France Bleu Gascogne. Vous voulez vos passes et profiter ce week-end de l'événement à Mimizan, 05 58 46 50 50 et vous devez impérativement m'indiquer au moins un du top 3 des moyens de déplacement préférés au quotidien des Français. Bonjour à vous, voici Anne Corrida, Quincy Jones. France Bleu Gascogne, 05 58 46 50 50. connaît très bien le Quincy Jones arrangeur, le Quincy Jones producteur. Mais est-ce que vous connaissiez le Quincy Jones chanteur? Oui, bien sûr, avec ce grand succès qu'est I Know Corrida sur France Bleu Gascogne. José, bienvenue, bonsoir José. Bonsoir. Vous nous appelez de Rion-des-Landes. C'est ça. Ok, José, nous jouons donc pour le festival Ocean Brass Festival, un festival consacré à la musique, mais pas à n'importe laquelle, hein, la musique des brass bands en l'occurrence, il y a plein de brass bands qui viennent de partout. José, vous aurez accès à tous les événements, tous les concerts, et gratuitement pendant les deux jours à deux. Si vous êtes capable de me citer dans mon top 3, au moins un du top 3, des moyens de locomotion, des moyens de déplacement, des moyens, celui à la mobilité, de transport préféré des Français. Qu'est-ce que vous me proposez, José? Moi, je suis parti sur la trottinette. La trottinette, qui est septième de ma liste. Bon, en l'occurrence, ce qui nous sert de référence, c'est le site Statista et ses nombreuses études. Non, septième, la trottinette, José, avec seulement 2%. Mais ne me dites pas que quotidiennement, vous faites vos déplacements en trottinette, si? Non. Mais quelle idée de... Ah ben oui. Pourquoi la trottinette? Parce que j'en ai une aussi. Ah oui, d'accord. Mais quotidiennement, quand vous vous levez le matin, vous travaillez, José? Non, pas pour le moment. Vous travaillez pas, d'accord. Vous allez faire des courses? Oui. Oui, et quel moyen de locomotion utilisez-vous pour aller faire vos courses? Ma voiture. Votre voiture, oui. Quel serait donc, selon vous, l'un des moyens de transport préférés des Français, si ce n'est pas la trottinette, José? Ce serait la voiture. Ce serait évidemment la voiture. Vous savez, j'ai envie... Je me sens d'une humeur extrêmement généreuse ce soir. Alors, je vais prendre pas la trottinette, mais la voiture en considération. D'accord, José? D'accord, donc on a fait 50-50, quoi. Je vous fais une super fleur. Et du coup, je ne vous offre qu'un pass. Non. Je vais vous en offrir deux, je blague. Mais bon, c'est très gentil. Parce que vous avez longuement réfléchi et que vous vous êtes bien rendu compte que la trottinette, ça ne marchait pas, la voiture est une excellente réponse. C'est d'ailleurs, la voiture, le moyen de transport préféré des Français à 71%, José. Ah, quand même. Ouais. Bon, écoutez, je vous laisse à vos occupations. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Vous avez gagné vos deux passes pour le super festival Ocean Brass Festival à Mimizan ce week-end, José. D'accord. Je raccroche pas? Non, vous ne raccrochez D'accord. pas. Vous restez un tout petit instant encore en ligne. Sylvie va vous reprendre au téléphone. Bonne soirée et merci, José. Allez, moyen de transport préféré des Français en top 3. Bon, on élimine le top 1. On peut aussi éliminer la trottinette, qui était 7e dans mon classement. Voiture, trottinette, hop, on oublie. Il en reste bien d'autres. Donc, je vous demande maintenant pour des places de cinéma, puisqu'on va jouer avec le cinéma L'Étoile du Moon de Saint-Pierre-du-Mont. Deux places de cinéma pour aller voir le film de votre choix. Je vous demande de me trouver encore un du top 3 des moyens de transport préférés des Français, moyens de transport préférés des Landais. Quand vous vous déplacez comment? C'est ça la question qu'il faut se poser. 05 58 46 50 50, en voiture, c'est trop tard. On oublie. En trottinette, ok, on oublie aussi. Il en reste bien d'autres, des moyens de transport. Bon jeu à vous. Voici, dans un instant, Mika et son nouveau single, d'ailleurs sur France Bleu Gascogne, c'est la vie. France Bleu Gascogne, 05 58 46 50 50. France Bleu Gascogne. Info, trafic et mobilité dans les Landes. Un souci sur la route? Accident? Axe coupé? Conduite dangereuse à cause d'une météo capricieuse? Tirez le frein à main et appelez-nous. 05 58 46 50 50. France Bleu Gascogne partage l'info à la radio et sur les réseaux sociaux. L'infotrafic 100% local avec Sler, votre spécialiste landais en photovoltaïque, pompe à chaleur et thermodynamique. Chaque soir sur France Bleu, toute l'actu de la Coupe du Monde de rugby est à 100% dans le mag. Dominique Bourdeau. Après 37 ans de séparation, voilà deux coqs qui se sont retrouvés depuis 2018. Le coq sportif est à nouveau l'équipementier de l'équipe de France 2 rugby avec un maillot totalement fabriqué en France. Le PDG du coq sportif, Marc-Henri Bossire, est notre grand témoin. Le mag 100% Coupe du Monde de rugby, chaque soir sur France Bleu, dès 18h. France Bleu Gascogne. C'est quoi le vrai? Qu'est-ce que tout ça vient faire ici? C'est quoi la mort, les vies d'avant? C'est quoi la pluie, quoi le beau temps? C'est quoi qui arrive droit devant? C'est quoi ces rides sur mon visage? Pourquoi elles viennent cave tout mon âge? Même si vieillir est un naufrage. C'est quoi ces fleurs et son amour? Mes frères et sœurs et leur cœur lourd. Placard fermé à double tour. Parce que c'est ça la vie. Parce que c'est ça. Parce que c'est ça la vie. Parce que c'est ça. Parce que c'est ça la vie. Parce que c'est ça. Parce que c'est ça la vie. Ses roses d'amas, c'est son jasmin. C'est comme son Liban qui s'efface. On croyait qu'elle voyait trop grand, qu'elle dessinait comme un enfant. Pourtant c'est elle qui voyait loin. C'est ça la vie, et c'est ça l'amour. Que ta tête fleurisse, fleurisse toujours. C'est ça la vie, et c'est ça la mort. Que ta tête fleurisse, fleurisse encore. Parce que c'est ça. Plus peur de toi, avec des fleurs, même en silence, elle me le dit, elle me le dit. Alors la vie, regarde-moi, car je n'aurai plus peur de toi. Avec des fleurs, même en silence, elle me le dit dans. Parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça. Parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça. Parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça. Parce que c'est ça la vie. La vie, c'est la vie. Dame, dame. Mika, sa nouvelle chanson sur France Bleu Gascogne. Bien, nous jouons avec le top 3. Question de mobilité ce soir avec le top 3 des moyens de transport préférés des Français. Cyril, bienvenue sur France Bleu Gascogne. Bonsoir Laurent. Bonsoir Cyril, vous êtes à Mont-de-Marsan. Oui. Bon, Cyril, que me proposez-vous? Alors, je suis sans conviction, je vais répondre la marche à pied. Sans conviction, parce que le moyen de transport là que vous emploieriez serait le pied. Ouais. La chaussure, quoi. Ah, d'accord, donc c'est pas une bonne réponse. Non, Cyril, c'est pas la marche. Mais c'est très bien hein, de faire tous vos déplacements à pied, mais hélas, non, Cyril, ce n'est pas une bonne réponse. Ça n'entre même pas dans le classement des moyens de transport préférés des Français, Cyril. D'accord, Laurent, c'est pas grave. Non, j'espère pas. Sans rancune, hein, Cyril. Sans problème, on joue pour s'amuser, on se connaît, Laurent. On s'amuse. On rejouera ensemble une prochaine fois. Bonne soirée. Sans problème. Au revoir, Laurent. Bonne soirée. Salut, Cyril. Non, marche à pied, ça ne marche pas. Nous éliminons la trottinette et la voiture proposée déjà. Geneviève, que nous reste-t-il? Bonsoir, Geneviève. Bonsoir, Laurent. Vous êtes à Saint-Jean? Oui. Vous avez passé une bonne journée, Geneviève? Excellente, comme d'habitude. Ah, quoi, bah dites-moi. Si vous êtes une femme heureuse à ce point-là, c'est tant mieux. Que me proposez-vous comme moyen de transport préféré, Geneviève? Moi, le bus. Le bus, les transports en commun, de façon générale. Oui, c'est une très bonne réponse. C'est mon top 2. En 1, la voiture. En 2, les transports en commun. Le bus, Cyril. Fallait penser au bus, quand même. Bon, Geneviève, c'est très bien. C'est très bien. Vous gagnez vos places de cinéma. Vous êtes plutôt comédie, plutôt film d'animation, plutôt film d'horreur, plutôt film de science-fiction, plutôt drame, Geneviève. Je ne sais sais pas. Je verrai un roman au cinéma, je les offrirai, ce roman. Bon, il y a des films dans tous les genres que je viens d'évoquer. C'est dommage que vous n'en profitiez pas, mais offrez-les, vous avez le droit. Vous les avez gagnés, donc vous en faites ça comme vous voulez, Geneviève. Pour le cinéma, l'étoile du Moon à Saint-Pierre-du-Mont, en tout cas. Bonne soirée. C'est parfait. Au revoir, Geneviève. Au revoir. À une prochaine fois, peut-être. Bien. Top 3, nous en connaissons deux des trois. Voiture, transport en commun. Il en reste un à identifier. Si vous voulez, à présent, gagner, c'est mon troisième et dernier cadeau de la soirée. Des places pour aller voir David Olaizola en concert. Il sera le chanteur basque défenseur de nos traditions, qu'elles soient basques ou gasconnes d'ailleurs. Il sera David Olaizola en concert le 22 octobre. C'est dimanche en 8 à 16h30 en l'église de La Bouaille. 16h30, un dimanche. Bonne horreur, ma foi, pour terminer le week-end. Petit concert de David Olaizola. C'est toujours très agréable. 05 58 46 50 50. Mon top 3 n'est pas tombé. Il reste une réponse à découvrir. Le top 3 des moyens de transport préférés des Français. Bon jeu à vous. Voici la très belle chanson True de Spandau Ballet. France Bleu Gascogne. 05 58 46 50 50. Come back again. Spandau Ballet. Magnifique, hein, cette chanson. Spandau Ballet. Bon, dommage, il y a que de fou dans la carrière du groupe qu'on puisse retenir. Mais quand même. Aline, bonsoir Aline. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Vous êtes à Comensac, Aline. Oui. Aline, votre journée, comment s'est-elle déroulée? Bon, on s'est promené dans la forêt. Ah oui, à pied, là, voilà. Pour le coup. Voilà. Mmh. Oui. Vous avez trouvé des champignons? Non, pas du tout. Ah, peut-être vont-ils revenir, puisque la pluie arrive. Aline. C'est bien sec. Oui, c'est encore, en effet, bien sec. Et demain, c'est du soleil, hein, encore, nous dit Météo France. C'est dans la nuit de demain à après-demain que ça va se gâter vraiment. Bon, question mobilité. Comment les Français se déplacent-ils? Quels sont les moyens de transport préférés des Français, Aline? Le train. Le train est en 4, Aline. Le train est 4e moyen de transport préféré. Alors, des Français au quotidien, hein, puisque c'était l'intitulé au quotidien. La voiture en 1, les transports en commun en 2, le train est en 4. Vous voyez vraiment pas ce qu'il y a avant l'avion. Le train. L'avion n'apparaît même pas dans les moyens quotidiens. Quotidien, oui, le bus. Vous voyez des gens qui prennent l'avion quotidiennement, vous? Ah non, non, non. Le bus, c'est les transports en commun, Aline. Ah. Ouais. Donc, entre train et transport en commun, entre train et bus, qu'est-ce qu'on pourrait prendre le vélo. Communément. Vous avez dit, Aline? Le vélo. Mais bien évidemment. Mais quelle bonne idée, le vélo, pour faire tomber mon top 3. Le vélo, 12%, Aline. Bah voilà, c'est gagné. Bon, merci beaucoup. Ouais, un grand merci avec un grand M pour le coup. Bravo quand même pour avoir merci fait tomber mon top 3. Je voulais qu'il tombe ce soir, il tombe avec le vélo. Donc le top 3, c'est voiture, transport en commun, vélo. C'était finalement pas compliqué, Aline. Mais non, pas du tout. Oui. Bon, je vous offre 2 places pour aller voir David Olaizola en l'église de la Bouère le dimanche 22 octobre. Merci, bonne soirée, ne raccrochez pas. Je vous remercie. Je vous en prie, Aline. Voici Miley Cyrus, Flowers. J'accueillerai Carl Da Silva pour le programme sport du soir, juste après. Miley Cyrus. We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't. Built a home and watched it burn. Love. Les Flowers, Miley Cyrus sur France Bleu Gascogne. Bonsoir Karl. Salut Laurent, bonjour tout le monde. Karl Da Silva ce soir après le journal et après le mag de la Coupe du Monde. Oui, pour du 100% basket. Avec Didier Goët et Florian Lafargue, ils sont en direct de l'espace François Mitterrand pour l'avant-match de cette troisième journée de l'Euroleague. Basketland reçoit les Polonaises de Polkovic. Voilà, j'espère que je l'ai bien dit. Match à vivre en direct avec moi ce soir à 19h30. Entendu. Bon, très bien. Ben, bonne soirée basket, bonne soirée sport. Restez sur France Bleu Gascogne. À demain. Ciao. Ciao. Bonne soirée. MMA, business entreprise. Jusqu'au 25 novembre 2023, 50% offert sur l'assurance dirigeant. MMA. Moins 50% sur la première cotisation annuelle. Condition en agence. Je te dis que je t'aime. Certaines phrases sont tellement plus belles quand elles sont chuchotées. Ce serait dommage de s'en priver. Parce que vous méritez d'entendre le moindre chuchotement, on vous offre le dernier cri. Et oui, chez Écoutez Voir, les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Et en plus, le bilan auditif est gratuit. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical, point de vente soumis au code de la mutualité, conditions sur écoutezvoir.fr. La nostalgie, c'est le nouveau livre de Patrick Sébastien. Mon nouveau livre, je l'ai appelé « La Nostalvie ». À ne pas confondre avec la nostalgie. La Nostalvie, c'est rose et jaune comme le soleil. C'est faire un pas en arrière pour mieux aller de l'avant. Et crois-moi, on en a bien besoin. La Nostalvie de Patrick Sébastien. Un récit à savourer. Un livre XO. Très bonne soirée à vous sur France Bleu Gascogne. Il est 18h. Les infos, avez-vous, Lou Bourdi? Et ce soir, dans nos infos, Karl, on part dans un lycée de Saint-Paul-les-Dax qui renforce sa sécurité après l'attaque à Arras. En Israël, le bilan des Français morts s'alourdit et la colère monte après l'explosion d'un hôpital de Gaza. Mais d'abord, la météo, Karl. Oui, de belles périodes ensoleillées pour demain vont dominer tout au long de la journée avec des températures maximales de 23 à 24 degrés, Lou. Comment faire pour mieux sécuriser nos écoles dans les Landes depuis l'attentat dans le collège d'Arras? La sécurité des établissements scolaires est renforcée selon la préfecture. Une unité sentinelle de 25 militaires est arrivée sur place pour aider les gendarmes et les policiers landais. Ils patrouillent entre Dax et Mont-de-Marsan, notamment autour de nos écoles. Mais au-delà des forces de l'ordre, les établissements eux-mêmes s'adaptent. Exemple à Saint-Paul-les-Dax, Paul Ferrier, au lycée Haroun Daziev. Dès l'entrée, dès le portail, un adulte, un personnel contrôle mon identité pour que je puisse rentrer dans le lycée. Un portail qui n'est plus ouvert comme il y a quelques jours, nous raconte Maëlys, une élève. Le portail, maintenant, il a des heures pour ouvrir et fermer. Si on est en retard, on ne peut pas rentrer dans le lycée, on doit attendre pour pas qu'il y ait d'individus qui puissent rentrer dans notre lycée. Les autorités du lycée ont aussi prévenu les élèves. Il est possible qu'on leur demande de contrôler leur sac. C'est ce que permet le niveau urgence attentat du plan Vigipirate mis en place depuis quelques jours. Oui, ça change un peu l'ambiance, concède le proviseur du lycée, Régis Van Acker. Oui, ça a changé quelque chose. On a été incité à renforcer les flux d'élèves entrant et sortant avec de la présence adulte. En visite après d'importants travaux dans l'établissement, le président PS de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, explique que des investissements sur la sécurité sont faits depuis plusieurs années dans les lycées de la région. La région a investi près de 30 millions d'euros depuis 3-4 ans. Des grilles, des barrières, la vidéosurveillance. Je ne peux pas payer des gardes privés à l'entrée par rapport à des fous. Ça ne réglerait rien d'ailleurs. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir cet ensemble pour maintenir un état d'esprit d'ouverture à la connaissance, à l'esprit critique. Car ce n'est pas seulement avec des gilets pare-balles qu'on se protège du terrorisme, conclut le président de région. Et justement, une réunion a eu lieu cet après-midi entre le ministre de l'Éducation et les élus à ce sujet. Pas d'annonce du gouvernement pour l'instant, mais un tour de table pour essayer de récolter un peu les propositions. Carole Delga, par exemple, la présidente de la région Occitanie, elle voudrait une borne d'appel d'urgence dans tous les établissements. Une borne reliée directement au commissariat ou à la gendarmerie. L'école, où le nombre de contestations lors de la minute de silence observée avant-hier a été revu à la hausse. Une minute, vous savez, pour le professeur assassiné Dominique Bernard, mais aussi évidemment pour Samuel Paty. On est passé de 179 perturbations dans les établissements scolaires français à 357 selon le dernier bilan de l'éducation nationale. La France en état d'alerte urgence attentat depuis vendredi et une dizaine d'aéroports évacués aujourd'hui pour des alertes à la bombe, dont Biarritz. Biarritz, Pau ou encore Toulouse. Le château de Versailles, également évacué. C'est la troisième fois depuis samedi. Les auteurs seront, je cite, retrouvés et punis, avertit Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice. En Israël, après l'attaque du Hamas, on compte désormais 24 Français tués. Oui, 24 Français tués et 7 Français toujours disparus et pour certains probablement otages dans la bande de Gaza. C'est le tout dernier bilan donné par Elisabeth Borne. C'était cet après-midi et c'était devant le Sénat. La France demande la libération de tous les otages, sans délai, sans condition. Plusieurs dizaines de nos concitoyens sont par ailleurs bloqués à Gaza dans une situation extrêmement précaire. Nous les suivons individuellement et faisons notre maximum pour leur permettre de quitter Gaza. Nous appelons à un accès humanitaire immédiat à Gaza afin que l'aide des Nations Unies puisse être acheminée et parvienne aux populations palestiniennes. C'est une urgence, des milliers de vies en dépendent. Ouais, Paris aura par ailleurs rapatrié d'ici ce soir 3500 Français d'Israël. C'est ce qu'assure la Première Ministre concernant l'aide humanitaire. Israël annonce à l'instant autoriser l'entrée d'aide dans la bande de Gaza depuis l'Égypte, tant qu'il s'agit, je cite, de nourriture, d'eau et de médicaments pour la population civile dans le sud de la bande de Gaza. Ce soir, on parle aussi de la colère du monde arabo-musulman après l'explosion hier d'un hôpital dans la bande de Gaza. Près de 500 morts selon le dernier décompte des autorités palestiniennes. Et des milliers de manifestants en Égypte, dans la rue, 5000 personnes aussi près de l'ambassade d'Israël à Hamad. Tout ça en soutien aux Palestiniens. Le Hamas et Israël qui s'accusent mutuellement d'avoir fait exploser l'hôpital. Et Joe Biden, le président américain en déplacement à Tel Aviv, assure que c'est bien un groupe terroriste du territoire palestinien qui est le responsable. Et puis en rugby, un mot pour vous dire qu'on essaye d'oublier les larmes de dimanche soir parce que ce soir on retrouve la Pro D2, 8e journée, en match avancé. C'est ce soir Rouen, dernier, qui reçoit Brive, 6e. La météo 100% locale avec Alain Vera Carrelage, votre spécialiste en carrelage et salle de bain à Saint-Martin-de-Seignance. Bon, la météo, Carl, oui. C'est plutôt agréable. Le temps va se couvrir cette nuit, mais rien de très grave, hein, puisque de belles périodes ensoleillées dominent tout au long de la journée. On aura des températures minimales demain matin, 14 à 17 degrés, et puis les maximales, 23 à 24 degrés. Merci d'être avec nous. Place au MAC de la Coupe du Monde de rugby. C'est tout de suite. France Bleu, le MAC 100% Coupe du Monde de rugby, Dominique Bourdeau. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous accompagner sur toutes vos franges bleues pour ce MAC 100% Coupe du Monde de rugby, dans lequel on va ce soir encore mouiller le maillot, même si le 15 de France a malheureusement trop tôt quitté la compétition. Et ce maillot, c'est évidemment celui des Bleus, fabriqué par le coq sportif, dont le PDG est notre grand témoin ce soir. Bonsoir Marc-Henri Bossier. Bonsoir. Et merci d'être en duplex avec nous depuis la maison de la radio. Donc nous, on va continuer cette Coupe du Monde de rugby avec vous, pour vous et vous. Est-ce que vous avez prévu d'être devant votre télévision ce week-end pour les deux demi-finales de la Coupe du Monde? J'attends vos commentaires en direct au 0810 055 056. Les Bleus du foot ont attendu bien longtemps, eux, avant de devenir champions du monde. On fera quelques parallèles avec l'un des champions du monde 98, Vicente Lizarazu, consultant football de Radio France, qui sera avec nous avant 18h30. Je salue notre spécialiste rugby, Arnaud Carré. Salut Arnaud. Salut Dominique. Un MAC 100% Coupe du Monde que vous suivez sur Noa, chaîne de France 3, disponible sur toutes les boxes et bien sûr sur francebleu.fr. France Bleu, le MAC 100% Coupe du Monde de rugby. Alors on va retrouver Marc-Henri Bossir, le PDG du Coq Sportif, dans un instant. Mais l'actu du jour, d'abord Arnaud Carré, elle est malheureusement plutôt en dehors du terrain. Oui, avec un contexte international pesant, avec l'attentat de Bruxelles en marge du match de foot Belgique-Suède. La sécurité était, Dominique, au cœur de la conférence de presse des organisateurs de la Coupe du Monde ce midi. Mais pour le président de France 2023, Jacques Rivoal, le passage en France du plan Vigipirate renforcé au niveau urgence attentat ne changera finalement pas grand-chose pour les deux demi-finales du Stade de France et sur les deux derniers villages rugby qui seront ouverts ce week-end à Saint-Denis et à Paris. Jacques Rivoal. On avait déjà des process qu'on avait mis à un niveau maximum avec un système de double contrôle. Il y a un premier contrôle visuel des spectateurs, hein, pour vérifier les sacs, les manteaux, etc. Et puis ensuite, il y a un deuxième contrôle sous forme de palpation. Donc ça, on l'avait déjà depuis le début de la Coupe du Monde. Donc la sévérisation des mesures Vigipirate n'a pas impacté ça. En fait, le renforcement, la sévérisation de ces mesures, c'est que ça permet de mobiliser plus de forces de sécurité. Donc, c'est plutôt pour nous un élément supplémentaire de sécurisation de la